original pour toi et ton ragamuffine. Original pour tout le massif qui sont clean, qui sont clean, qui sont clean, qui sont clean, qui sont clean. Je sais, c'est pas évident de faire le bien tout le temps. Pas évident d'être éveillé et conscient. Pas possible d'être sage et posé à 20 ans. Mieux vaut connaître le bon dès à présent. Je sais, c'est pas évident de faire le bien tout le temps. Pas évident d'être éveillé et conscient. Pas possible d'être sage et posé à 20 ans. Mieux vaut connaître le bon dès à présent. La vie ne fait pas de cadeaux. Souvent pour la plupart c'est métro boulot dodo. Ce rythme imposé nous rend aigri et agressif. Pour rien ça part en vrille, ça sort les guns, les canines. Les gens sont continuellement dans le stress. Alors qu'on devrait chercher un moyen de décompresser. Vivre et aimer c'est finalement ce qui nous reste. Trop d'artifices c'est le système qui nous teste, qui nous teste. Je sais, c'est pas évident de faire le bien tout le temps. Pas évident d'être éveillé et conscient. Pas possible d'être sage et posé à 20 ans. Mieux vaut connaître le bon dès à présent. Je sais, c'est pas évident de faire le bien tout le temps. Pas évident d'être éveillé et conscient. Pas possible d'être sage et posé à 20 ans. Mieux vaut connaître le bon dès à présent. Personne ne détient l'original vérité. Chacun se débrouille comme il peut pour y arriver. Entre le bon et le mauvais, le choix se fait vite fait. À condition de savoir où regarder. Le souffle de la vie est une chance. Faisons donc preuve d'intelligence. Ayons de la ferveur pour la connaissance. Ayons de la ferveur pour la connaissance. Je sais, c'est pas évident de faire le bien tout le temps. Pas évident d'être éveillé et conscient. Pas possible d'être sage et posé à 20 ans. Mieux vaut connaître le bon dès à présent. Je sais, c'est pas évident de faire le bien tout le temps. Pas évident d'être éveillé et conscient. Pas possible d'être sage et posé à 20 ans. Mieux vaut connaître le bon dès à présent. Pourquoi tant de manières, pourquoi ne pas être sincère? À quoi bon être sur toi si c'est pour vivre dans la misère? Pourquoi tant de manières, pourquoi ne pas être sincère? Hey, si t'as pas de respect pour ton frère, pourquoi tant de manières, pourquoi ne pas être sincère? À quoi bon être sur terre si t'as pas de respect pour ton frère? Pourquoi tant de manières, pourquoi ne pas être sincère? Si c'est pour vivre dans la misère, qui s'empare de nos vies, de nos esprits, pour nous imposer une manière d'être, une idéologie? La rumeur parle d'une secte appelée Illuminati, secte de Satan, de la franc-maçonnerie. Qui sont-ils? Sûrement pas les pantins politiciens débiles, qui ne sont que des marionnettes tirées par un fil. La question qu'il faut se poser, oui, qui tient ce fil? Qui tient ce fil, qui tient ce fil? Tu sais, c'est pas évident de faire le bien tout le temps. Pas évident d'être éveillé et conscient. Pas possible d'être sage et posé à 20 ans. Mais vous connaissez le bon dès à présent. Je sais, c'est pas évident de faire le bien tout le temps. Pas évident d'être éveillé et conscient. Pas possible d'être sage et posé à 20 ans. Et on en a un signe. Nous vivons dans une époque spéciale. C'est lavage de cerveau et esclavage moral. Tous comme des robots dans la bataille finale. Pour un nouvel ordre mondial. Nous vivons dans une époque spéciale. Lavage de cerveau et esclavage mental. Tous comme des robots dans la bataille finale. Pour un nouvel ordre mondial. Je sais, c'est pas évident de faire le bien tout le temps. Pas évident d'être éveillé et conscient. Pas possible d'être sage et posé à 20 ans. Mieux vaut connaître le bon dès à présent. Je sais, c'est pas évident de faire le bien tout le temps. Pas évident d'être éveillé et conscient. Pas possible d'être sage et posé à 20 ans. Mieux vaut connaître le bon dès à présent. Thanks.